Salut, frères et sœurs rôlistes, réussite critique sur vous. Eh bien, aujourd'hui, j'ai vraiment l'immense plaisir de t'annoncer que les astres sont enfin alignés pour pouvoir te proposer vraiment une expérience sans égale. Il s'agit de la retraite rôliste de Jeux de Rôlo Thérapie. Donc, c'est une retraite entre personnes choisies. Entre personnes spéciales, eh bien pour faire du jeu de rôle thérapeutique, du jeu de rôle qui va nous faire grandir. Et donc, on organise ceci en fait dans un chalet de montagne. C'est voilà, une petite retraite de 11 jours. 11 jours pour vraiment quitter le monde réel, entrer pleinement dans l'imaginaire et pouvoir s'exprimer pleinement par le jeu de rôle. Voilà, entre nous, sans interférence extérieure, il n'y a bien sûr pas de téléphone portable pendant ces 11 jours. Et donc on va alterner en fait eh bien, des campagnes de jeux de rôle très intenses, animées par moi, avec des séances de méditation vipassana de 3-4 heures pour vraiment s'enfoncer comme ça dans l'espace imaginaire partagé. Voilà, c'est une petite retraite, voilà, entre nous, de jeu de rôlothérapie pour réaligner en fait ces fréquences vibratoires sur vraiment une fréquence de réussite critique. Et donc pour cela, ben en fait, on te demandera une participation de seulement 3000 euros, 3000 euros pour 11 jours, voilà, pour totalement se recalibrer en fait. Spirituellement, rôlistiquement, je pense que c'est vraiment donné pour voilà, pour ce petit séjour de 11 jours, je répète, en immersion. Et donc, il faut que tu dépêches parce que, eh bien, les places partent à toute vitesse entre gens vraiment de qualité, de gens alignés, illuminés sur le véritable bonne fréquence vibratoire rôliste. Et donc, il y a un petit code promo, si tu tapes Outsider 666, tu peux avoir 20%, voilà, 20% sur ces 3000 euros là que coûte le séjour, qui va totalement te rééquilibrer, te réharmoniser. Enfin voilà. Bon, j'ai un peu fini cette petite publicité. On va passer maintenant au sujet du jour. Alors, c'est là qu'on devient sérieux, parce que c'est un sujet du jour qui est extrêmement sérieux. Puisqu'on va parler de la mort des personnages. Et est-ce qu'on est pour ou est-ce qu'on est contre? Tu me connais, je suis une personne de nuance, donc je vais être à la fois pour et contre, car je n'ai aucune personnalité. Alors, bon, bah d'abord, on va un petit peu voir qu'est-ce qui s'oppose à la mort des personnages, quels sont les arguments pour plaider en faveur, en fait, bah, d'une immunité narrative pour les personnages, que les personnages ne devraient pas pouvoir mourir. Bah, premièrement, en fait, la mort des personnages pose souvent un problème de sécurité émotionnelle. Voilà, c'est quelque chose qui peut être très très pénible à vivre. Aussi, des fois, la mort des personnages peut être tout simplement un outil dans les mains des MJ sadiques, c'est-à-dire que ça ne sert pas du tout l'histoire, ça ne sert aucun intérêt à part les pulsions maléfiques de MJ. Donc voilà, donc on va proscrire aussi pour cette raison la mort des personnages. Et en plus, ça peut être vécu comme une sanction abusive, en fait, la mort de ton personnage. Si tu as passé du temps sur ton background, si tu as passé du temps à construire ton personnage, ou simplement si tu as passé du temps à le jouer, mourir sur un GD ou sur une mauvaise décision, ou quoi, ou qu'est-ce, ou parce que ça semblait important dans l'histoire que tu meurs, ça peut être très très mal vécu à cause de l'investissement que tu as déjà mis dans ton personnage. Ensuite, on peut considérer tout simplement que la mort des personnages, c'était un ressort narratif un peu trop facile, hein, être un peu une grosse ficelle, et qu'il y a peut-être possibilité de trouver d'autres enjeux ludiques et narratifs qui soient plus intéressants, quoi. Pareil, même si on est sur un jeu d'horreur où on veut faire pression sur les joueurs à travers leurs personnages, peut-être qu'il y a plus intelligent, plus innovant. Plus efficace que de taper sur juste la mortalité des personnages. Sinon, on va le rappeler, bah, peut-être qu'en jeu de rôle, l'important, c'est de s'amuser. Est-ce que c'est très amusant de se faire tuer son bonhomme? Eh ben, c'est pas sûr. Donc, ça... En plus, la mort de ton personnage, c'est forcément un truc qui est lié à l'arbitraire de MJ, parce que le jeu de rôle, c'est un jeu d'arbitraire, en fait. Donc, si ton personnage meurt, c'est bien souvent, c'est pas uniquement parce qu'il y a eu une mauvaise décision de ta part ou un mauvais jet de dé, parce que MJ a bien voulu que ton personnage meure, quoi. La plupart du temps, si tu veux, c'est juste tu meurs parce que MJ a décidé que c'était possible ou que c'était désirable. Et donc ça peut être vécu comme une sanction injuste. Et souvent, si tu veux, ben, quand ton personnage il meurt en milieu de séance et tout, ou en milieu de campagne, on va manquer de temps pour que tu rerolles un personnage qui soit intéressant. Et du coup, soit tu vas regarder les autres jouer, soit tu vas jouer mais avec un personnage un peu pas ouf, un peu vite fait. Et donc bah du coup, une fois que ton personnage est mort, si le jeu continue, tu t'amuses un peu moins. Donc voilà, ça c'est tout ce qui plaide en faveur, bah voilà, d'interdire la mort des personnages, mais évidemment, comme je n'ai aucune personnalité, je l'ai rappelé tout à l'heure, eh bien j'ai aussi défendre, voilà, thèse, antithèse, synthèse, j'ai aussi défendre, eh bien, que peut-être que ça peut être cool quand même que les personnages meurent. Et je vais dire pourquoi. Bah, déjà, des fois, tuer le bonhomme, ça peut être la façon la plus visible et la plus compréhensible de sanctionner un comportement qui serait stupide. Stupide, je dirais, dans le sens d'anti-jeu, quoi. Il ne s'agit pas de shamer les joueurs parce qu'ils ne joueraient pas de façon assez intelligente. Sauf si vraiment on est dans une approche très très tactique. Mais juste de dire, ben, en fait, t'as ce comportement, c'est totalement de l'anti-jeu, ça n'apporte rien, ça fout le dawa, et bon, bah, du coup, la conséquence, ton personnage meurt, quoi. Ou même dans un jeu d'aventure, entre guillemets, si un joueur s'amuse à ce que son personnage fasse tout le temps des trucs hyper risqués, hyper débiles, en se disant, bah, MJ va me sauver à chaque fois, bah, ouais, mais du coup, MJ doit rattraper sur des scènes qui sont pas du tout cohérentes. Donc, des fois, dire, bah, non, je suis désolé. J'ai décrit une fosse à pieux de 10 mètres de 10 mètres de long. Si tu pensais que en faisant un saut, t'allais réussir à sauter 10 mètres, non, je suis désolé, je peux pas te sauver sur ce truc-là. Donc bon, bah écoute, on va faire un petit peu de darwinisme ludique. Ton personnage est mort, en espérant que le prochain soit peut-être un petit peu plus avisé. Voilà, donc, où ça peut sanctionner aussi des comportements borderline, c'est-à-dire que si un ou une joueur bah, utilise son personnage pour mettre vraiment une très très mauvaise ambiance, pour bolosser les autres, je sais pas, faire du PVP, faire des trucs gore, tout ce que tu veux, enfin des trucs borderline, je parle pas du trouble, hein, je parle plutôt des comportements, ben oui, en fait, peut-être tuer son personnage peut être une bonne façon de faire comprendre, non, mais là, je tue ton personnage. Et puis tu refais un nouveau concept qui soit un peu plus pro-social, s'il te plaît. Évidemment, il y a une vidéo sur le PVP, je t'y renvoie, comme toujours. Ensuite, eh bien, des fois, notamment dans les jeux de rôle d'horreur, eh bien, le fait que les personnages soient mortels, c'est quand même un moyen de pression, un moyen pour mettre l'ambiance qui est important. C'est l'approche principale du jeu de rôle d'horreur sombre. Hein. Sur le principe, il y a une très forte mortalité des personnages. C'est pas, on ne tue pas tous les personnages à chaque partie, mais tu as vraiment un taux de survie très faible. Et ça permet de créer l'horreur. C'est une façon qui est relativement fonctionnelle de créer l'horreur, quoi. Et c'est tout à fait fair, entre guillemets, vu le genre narratif où on se situe, que, voilà, que les personnages meurent à l'appel. Et également, bah, toujours pour l'horreur, c'est aussi quelque part dans le canon esthétique. Si tu prends une campagne de l'Appel de Cthulhu, bon, l'Appel de Cthulhu, je suis pas sûr que ce soit vraiment un jeu d'horreur, enfin un jeu qui fasse peur toujours, mais c'est quand même un jeu où on veut une ambiance horrifique, une esthétique horrifique à minima. Et donc si tu fais une campagne de l'Appel de Cthulhu où tous les personnages survivent 30 séances, tu dis, bah, non, il y a un problème. Il faut qu'il y ait un petit peu de turnover, faut qu'il y ait quelques personnages qui meurent, parce que sinon, on n'a pas assez, on perd cette esthétique horrifique. Ou cette esthétique de survie. Il faut aussi voir la mort d'un personnage comme une opportunité. Ça peut être une opportunité de changer de personnage, de quitter un... Enfin, souvent, très souvent, la mort de personnage, ça survient à la demande des joueurs qui disent, voilà, là, ce concept de personnage, j'en ai fait le tour, donc on va lui trouver une mort un peu intéressante, et puis on va partir sur un nouveau perso. Et tu peux en profiter pour hériter des pecs du personnage précédent. Enfin, voilà, moi, je vois aucun problème à ce que tu repartes avec les mêmes nombres de pecs. Vraiment, tu peux hériter d'autres choses du personnage. Peut-être son loot, peut-être ses possessions, peut-être récupérer des courriers de sa part, inventés par PJ, par les joueurs, ou inventés par MJ. Ça peut être intéressant de découvrir des choses sur le personnage qui vient de mourir et qui est légué au suivant, quoi. Ça permet, voilà, comme changer de personnage, ça peut permettre de changer d'axe de jeu. Des fois, on peut totalement reconfigurer une partie comme ça en changeant de personnage. Il y a aussi des trucs intéressants que tu peux faire, c'est enquêter sur la mort du perso. C'est-à-dire, un personnage fait un mauvais choix, tu vois, dans un jeu d'horreur par exemple. Un personnage fait un mauvais choix et va au mauvais endroit au mauvais moment. En tant qu'MJ, tu ne joues pas la scène. Tu dis juste, bon, écoute, ton personnage, il est allé au mauvais endroit au mauvais moment. Là, selon toute logique, il ne réapparaît pas, ou alors il réapparaît sous forme de cadavre. Et en fait, tu rerolles un nouveau personnage, et ton nouveau personnage, il va enquêter sur la mort de l'ancien. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé dans cette scène qu'on n'a pas jouée, quoi. Ça peut être vraiment intéressant. Également, en fait, faire mourir ton personnage, ça peut permettre de lui donner une conclusion, en fait. Vraiment, son histoire n'est pas terminée tant qu'il est vivant, quoi. Et donc, du coup, c'est pas forcément, d'ailleurs, une mort violente. Ça peut être une mort du personnage, de sa belle mort, sur son lit de mort, enfin, de vieillesse et tout, entouré des gens qu'il aime. Enfin, tu vois, c'est pas forcément une mort dans un coin de donjon, tué par un gobelin à cause d'un échec critique, quoi. Il y aura une vidéo sur les épilogues de personnages, où on voit un petit peu, où, bah, systématiquement, moi, ce que je fais à la fin de partie de one-shot, je dis, tous les personnages qui ont survécu, je dis, bah, maintenant, racontez comment votre personnage finit votre vie, quoi. Et ça veut un peu dire que tous mes one-shots, finalement, se finissent par un TPK, parce que généralement, voilà, on raconte tout ce que va vivre le personnage jusqu'à la fin de ses jours, quoi. Mais c'est intéressant en réalité. Il y a des gameplays de jeux de rôle où la mort d'un personnage est tout à fait intéressant. Je parlais tout à l'heure des jeux de rôle très tactiques, où là on veut que parmi les enjeux il y ait cette mort de personnage. Il y a dans l'OSR, il y a ce qu'on appelle les funnels, c'est-à-dire c'est des donjons très très mortels, des hachoirs à PJ, quoi. Et c'est rigolo, en fait. C'est rigolo dans un donjon où tu fais un tarif, t'as 4 PJ d'avance, et puis de voir, ils vont tous avoir des morts baroques, et c'est marrant, en fait. Il y a des jeux de rôle, notamment les jeux de rôle les plus transhumanistes, où en fait, ça va être intéressant, peut-être même un entraînement, de faire mourir ton perso. Je pense à Eclipse Phase, par exemple, où tu peux très bien, ton personnage peut s'entraîner dans des conditions extrêmes, mourir. En fait, c'est pas grave parce qu'il a une sauvegarde quelque part dans le cloud et puis il va se réincarner dans un nouveau morph. Pareil, dans un jeu comme Terre Suspendue, c'est un univers très très très très magique. En fait, le sort de résurrection, c'est vraiment le sort de base qui coûte rien à faire. Eh bien, tu peux envoyer ton personnage à la mort pour servir différents intérêts, tu vois. Un petit peu comme dans ce jeu vidéo, la Lemmings, où tu fais mourir en fait des petits lemmings, mais c'est pour pouvoir réussir des épreuves et tout. Limite, il y a aussi un jeu Die and Retry, un jeu vidéo, où il y a un moment pour passer un ravin, en fait, la seule façon de le passer, c'est de sacrifier plein de des alter ego, parce qu'en fait, les cadavres restent et tu vas pouvoir comme ça, au bout d'un moment, traverser le ravin juste en marchant sur les cadavres de tes petits camarades qui t'ont précédé. Oui, je sais, c'est gore. Voilà. J'ai dit beaucoup le mot intéressant, oui, parce que en plus de ne pas avoir de personnalité, je n'ai pas de vocabulaire. Et je vais le redire, puisque en fait, tout simplement, la mort du personnage peut être quelque chose de très intéressant à jouer, notamment si tu joues drama, si tu as du jeu esthétique, tu peux rendre cette mort très esthétique, très marquante. ou si tu joues pour vivre des expériences fortes, voilà, tu peux être très intéressant d'aller au-devant de la mort de ton personnage et de vraiment, pour le coup, la jouer, ne pas l'esquiver. Et après aussi, toujours si tu es amateur, actrice de scènes un petit peu intenses, eh bien, tu peux jouer les funérailles du personnage. Il y a quelques jeux de rôle dédiés comme Flower for Mara, Witness the Death of Your Father, And Be Ashamed, Young Prince, et La vie de l'absent, pour une approche un peu plus feel-good que les deux précédents. Et donc, ça peut être des jeux que tu peux jouer au milieu de ta campagne quand tes personnages meurent. Et il y a aussi un article voilà, sur jouer le deuil dans la boîte à outils du meneur de jeu. Donc, en conclusion, j'ai fait la thèse, j'ai fait l'antithèse, j'ai fait la synthèse, je t'avais prévenu que c'était scolaire. En conclusion, bah, c'est OK pour mettre la vie des personnages en jeu, mais de préférence quand même avec l'accord préalable des joueurs. Donc cet accord, tu peux l'obtenir. Pas le demander, parce qu'il faut pas être un forceur. Si on te dit non, bah c'est non, quoi. Tu peux le demander au début de la partie, lors du contrat de table, en disant, voilà, on va jouer à l'appel de Cthulhu. Bon, bah, si vous rencontrez des créatures, vous allez peut-être mourir, quoi. Voilà, c'est sur la table. Ou tu peux aussi le demander lors du GD, c'est le cas dans Influenza. Parce qu'en fait, dans Influenza, c'est surtout lors du GD que ton personnage peut mourir, et en fait c'est annoncé, c'est grosso modo, genre, si tu rates le dé, tu vas mourir, et c'est seulement en fait avec l'accord des joueurs. Donc les joueurs peuvent te dire à ce moment-là, non, non, je veux pas que ma mort soit sur la balance du jet de dé, peut-être une autre conséquence, mais pas ça. Et donc là, on voit au cas par cas. Eh bien, là-dessus, je te laisse, dépêche-toi de t'inscrire à cette retraite rôliste quantique qui va remagnétiser ton énergie de roleplay. Dépêche-toi parce qu'il n'y a vraiment plus beaucoup de place. Et je te fais des gros bisous dans tous les cas. On se revoit dans l'espace commentaire. Salut!